bonne maman comblera pour moi. Yeah. Que je meurs si t'as pas ce qu'il faut. Yeah. Jamais la défaite. Avant que j'arrête ta réputation de grande salope était faite. Y'a pas que la force qui compte le bras de jambon la douce. Jamais les comptes de chez moi me mettront les menottes pour un 12. Hey, j'ai tout le corps palavré. Putain de merde, la juge me jauge, je le vois un homme. Sale bouffiasse pour moi sans le savoir. T'as peut-être déjà ramené de rêves d'homme. J'veux pas d'idole, nique ta mère. On sait que ta parole vaut pas d'idole. Tu fais le gros, t'en fais des tonnes, t'en fais des bonnes. Viens chez toi, tout le monde sait que tu m'étonnes. Ouais, ouais, oh. C'est vrai qu'avant je parlais d'une villa, maintenant j'en veux 10. Scooch un miro, tu papa, ta mara, dinero, quiero mucho. C'est ce que mes potes disent à leur gosse. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'peux leur dire pareil. Ouais, va ton père dise, ton père donne. Ou bien ton père il est devenu taré. Ouais, ouais. Petit papa boss, s'il est pas là, t'auras ton éducation, ta Porsche et ta villa. Malgré tout, t'as beaucoup de choses avec ta monnaie. Papa Chaban, maman comblera pour moi. Yeah, yeah. Que je meurs si t'as pas ce qu'il faut. Yeah. Sa foi, chacun son âme, chacun sa voix, chacun son arme. J'ai pas pardonné mais j'épargne. Des langues de pute encore pire que les femmes. Bro, j'arrive dans le game, votre sens en plein phare. Featuring avec leur père. Hier ils négligeaient, aujourd'hui les bâtards me sucent pour des inserts. Hein, je m'en bats les couilles de la gloire. Ramène un Rolls, histoire que je puisse dans le réservoir. Je pense à ma petite tous les soirs. L'époque est féroce, papa travaille tard le soir. Papa travaille tard le soir. C'est ce que j'essaye de lui faire croire. Mais en fait je dois rentrer en semi. Le passé te rattrape dans la vie. Force et honneur, principe et valeur. Un homme reste un homme, même quand il meurt. Toujours les mêmes, on baisse pas le cellulaire. Si tu veux savoir pourquoi les gens nous aiment. Ce qui t'arrive de bien, prends-le. Normal que ça fasse des envieux. De toute façon ils peuvent rien faire. La décision descend des cieux. Petit papa boss, s'il est pas là, t'auras ton éducation, ta Porsche et ta villa. Malgré tout, t'as beaucoup de choses avec ta monnaie. Papa Chaban, maman comblera pour moi.